En fin de semaine, se déroulait la 55e édition du tournoi du Fisherman dans le secteur de Dolbeau. 24 équipes se sont disputées les grands honneurs de ce tournoi. D'abord, Yannick Martel a défait Alain Brassard en classe A. En classe B, Steve Boudreau et Steve Villeneuve se sont disputés la grande finale qui a été remportée par Steve Villeneuve. Et en classe C, un gain de Ghislain Hamel sur Daniel Laflamme. Au hockey maintenant, les Saguenayens de Chicoutimi et les Tigres de Victoriaville ont commencé leur série et c'est 2-0 en faveur des Saguenayens de Chicoutimi dans cette série qui se déroule entre les deux formations. Vendredi soir, les Saguenayens l'ont emporté par la marque de 4-3. Nicolas Roy avait marqué un but et une passe. Il y a Dimitri Zoukenov qui a également marqué un but et une passe. Kelly Climat a aussi compté dans la victoire et notons également 4 passes pour le défenseur Frédéric Allard. Et samedi, un but de Nicolas Roy tard en fin de troisième période a permis aux Saguenayens de l'emporter 2-1 contre les Tigres. Le prochain match aura lieu demain à Victoriaville. Les Sags mènent 2-0. Dans la série que posent les Cataractes de Shawinigan et les Foreurs de Val-d'Or, c'est 1-1 dans la série. Samedi, les Cataractes ont gagné 3-0 contre les Foreurs. Samuel Girard, un but de passe dans la partie. Et dans la rencontre de vendredi, à noter que les Foreurs avaient défait les Cataractes de Shawinigan. Encore une fois, Samuel Girard, un but de passe dans la rencontre. Et la série aussi qu'on suit, c'est celle entre les Huskies de Rouyn-Noranda et les Moussettes d'Halifax. C'est 1-1 dans la série. À noter que samedi, les Huskies ont gagné 3-2 en prolongation. Et vendredi, les Huskies avaient perdu 5-4 contre les Moussiennes. La série se transporte dans les Maritimes demain pour le troisième match. Ligue nord-américaine de hockey, les Marquis de Jonquière ont finalement éliminé les Prédateurs de Laval 5-2 dans le cadre du cinquième match qui avait lieu vendredi à Laval. Hugo Carpentier et Alexandre Quesnel ont marqué un but et une passe. Stéphane Chaput, Benoît Graton et Louis Tremblay ont aussi marqué. Dans la série Bantam, la bataille du Haut-du-Lac est maintenant menée 2-1 pour parler rapide de Boom-Sesny. Les Rapides ont gagné 2-1 contre les Hurricanes. Et samedi, les Hurricanes ont gagné 4-3 en prolongation dans un match qui était d'une extrême importance. Et dans la Ligue Simplette, les différentes ligues Simplette se sont terminées au cours de la fin de semaine et les équipes du Haut-du-Lac ont quand même très très bien fait dans le cadre de cette ronde des champions. On va vous donner quelques résultats maintenant. Donc à noter que dans le Novice A, Mastuyage a défait les Cougars 3-2 et également 3-2. Dans la catégorie Atome A, gain de 2 des Hurricanes de Mastuyage 4-1 et 2-1 contre les Blue Jackets. Dans le Pee-Wee A, Mastuyage 7, les Cougars 2 et Mastuyage a également gagné 6-2 sur les Cougars. Et dans le Midget A, les Prédateurs de Jonquière ont défait les Sabres de Robertval 3-2 et les Sabres de Robertval ont gagné 2-0. Le sport local et régional, à danradiosport.com. On s'en est.